Papa Wemba, ce qui est amusant, c'est, je trouve, sa double formule, à savoir son groupe Pour le Monde, Molokai, et puis son groupe Viva la Musica, et plutôt pour les Aérois, quoi. C'est une jolie chanson, c'est une jolie idée. Fa. Voilà. Avec Viva la Musica, c'est la rumba zaïroise. Mais avec Molokai, même moi j'ai du mal à définir ces genres musicaux que je fais. Quoi. J'ai du mal, quoi. J'aime pas qu'on dise de moi que je suis un chanteur de la world music. Je trouve ça pas trop bien, ça me colle pas tellement. Quoi. En français, oui, ça se dit bien musique du monde. Mais en anglais, world music, ça. Ça m'intéresse pas tellement bien quoi. Alors je sais pas comment l'appeler, musique tout court. Ça a un tempo beaucoup plus universel quoi. C'est à la fois je suis à la recherche d'un public, d'un autre public. Parce qu'avant, avant j'avais déjà un public à moi, quoi. Mais c'est là, je suis à la recherche d'un public plus élargi. Et dans cet album, dont les Africains se retrouvent dedans, les Anglo-Saxons se retrouvent, et même ceux qui écoutent latin se retrouvent aussi, quoi. Et même ceux qui aiment les ballades et tout, bon, ils se retrouvent là-dedans parce que je l'ai fait exprès. C'est pour voir un peu si ça va accrocher. C'est dont j'ai envie d'atteindre quoi. D'essayer, avec tout cet amalgame des problèmes qu'on a, d'amener au moins une petite goutte à cette défice pour moi qui est l'amour dans la vie qui se perd. Donc si je peux contribuer, ne fût-ce qu'à une petite goutte comme ça, ce sera un bonheur quand je serai mort. Ben, l'amour que je parle, moi, je pense que c'est un peu quelque chose de beaucoup plus subtil que ce qu'on peut penser entre l'homme et la femme ou de la terre. C'est simplement par un respect de soi, par un respect des autres, par une façon de vivre. na bola ne wa bobe ina na usane wa ina no bole limba kene ina no bole limba kene wenge na timbi no koka angia wana bia ba pepe tolo embe somu le mamongo luka kante ulima.